Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, je viens de terminer d'écrire l'histoire de Zélie et sa mamie, et je peux vous dire que leur passage dans le labyrinthe infernal va être mémorable. À la grande majorité, vous avez choisi qu'un horrible monstre y rôde. Mais surtout, vous m'avez envoyé des centaines d'idées de pièges. Franchement, vous m'avez épaté. J'aurais bien aimé tous les intégrer, mais c'était impossible. Alors j'ai dû faire un choix. En tout cas, je crois qu'on tient le labyrinthe infernal le plus chouette de l'univers. J'ai trop hâte que vous le découvriez. Mais pour ça, il va falloir attendre le 1er avril. Non, ce n'est pas une blague. C'est à cette date que tombe le premier jeudi du mois. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Une question super importante à vous poser. D'après vous, quel doit être le titre de notre histoire ? Est-ce Zélie, mission Glagla ? Zélie et le doudou Vrotou ? Zélie contre les monstres glacés ? Peut-être avez-vous une autre idée ? Rendez-vous tout de suite sur telming.com/lph pour me dire quel titre vous préférez. Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.